Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 67. De la durée des vertus après cette vie. Ce qui reste après cette vie des vertus morales, des vertus intellectuelles, et des vertus théologales. 1. Les vertus morales demeurent-elles après cette vie? Il est écrit que la justice est perpétuelle et immortelle. Sagesse 1, 15. Saint Augustin établit, contre Cicéron, que les quatre vertus cardinales existeront dans le ciel, mais d'une autre manière que sur la terre. Il y a, effectivement, dans ces vertus une partie formelle et une autre en quelque sorte matérielle. Quant à cette dernière partie, elles ne subsisteront pas dans la vie future, où il n'y aura plus ni concupiscence, ni plaisir sensuel, ni danger, ni échange, ni aucun des besoins de la vie présente. Mais, pour ce qu'elles ont de formel, elles y subsisteront de la manière la plus parfaite. La raison des élus sera très droite en tout ce qui concernera leur nouvel état, la faculté appétitive ne la contredisant point. La prudence, dit notre saint docteur, sera affranchie de toute erreur, la force n'aura plus de danger à affronter, la tempérance plus de passion à combattre. De cette sorte, la prudence n'aura rien à préférer ni rien à égaler à Dieu, la force s'attachera à lui avec fermeté, et la tempérance ne sera sujette à aucun défaut. Il est encore plus clair que la justice consistera dans la soumission à Dieu. Dès maintenant, elle exige que nous soyons soumis à nos supérieurs. 2. Les vertus intellectuelles demeurent-elles après cette vie? Par ces paroles qu'Abraham adressa au mauvais riche, souvenez-vous que vous avez reçu des biens dans votre vie. Luc 16, 25. On voit que l'homme conserve dans l'éternité la connaissance des choses particulières et contingentes que, sur la terre, il a faites ou subies. Donc, et à plus forte raison, il garde la connaissance des vérités universelles et nécessaires, qui est infiniment plus stable. Il est vrai que, les images sensibles n'existant plus, ce qu'il y a de matériel, si l'on peut ainsi parler, dans les vertus intellectuelles, ne survit pas au corps, mais les espèces intelligibles, qui en sont la partie formelle, n'en subsistent pas moins. Note. Quand l'apôtre disait, la science sera détruite, il entendait l'élément matériel de la science et le mode actuel de notre conception. Fin de la note. 3. La foi demeure-t-elle après cette vie? Pour démontrer par l'Écriture que la foi ne subsiste pas dans la gloire éternelle, il suffit de citer ces paroles de l'apôtre, pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur, marchant vers lui par la foi et non par la claire vue. 2 Corinthiens 5, 6. Les saints ne sont pas loin de Dieu, ils sont en sa présence, donc la foi n'existe plus dans le ciel. Observons bien que l'imperfection de la connaissance en fait essentiellement partie. La foi, d'après le même apôtre, est le fondement des choses qu'on doit espérer et la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Qu'est-ce qu'une connaissance qui a pour objet ce que l'on ne voit pas, sinon une connaissance imparfaite? L'imperfection de la connaissance étant de l'essence de la foi, la connaissance parfaite n'est plus la foi. Il est même tout à fait impossible que la foi subsiste dans un être en même temps que la béatitude parfaite. Elle implique d'elle-même dans l'homme une imperfection qui consiste à ne pas voir ce que l'on croit, tandis que la béatitude suppose la perfection dans ceux qui contemplent Dieu. 4. L'espérance demeure-t-elle après cette vie dans l'état de la gloire? Qui est-ce qui espère, dit l'apôtre, ce qu'il voit déjà. Romains 8, 24. De même que, quand une chose est devenue blanche, on ne la blanchit plus, du moment que l'on jouit de Dieu, il n'y a plus à espérer ce que l'on possède. 5. Reste-t-il quelque chose de la foi ou de l'espérance dans la vie de la gloire? L'espérance est totalement détruite, mais la foi, sans rester numériquement ni spécifiquement la même, subsiste cependant en partie dans la connaissance, qui était d'abord énigmatique et qui devient ensuite la claire vision. Les voiles déchirées, elles restent génériquement la même, la connaissance, comme telle, est du même genre que la vision. 6. La charité demeure-t-elle après cette vie dans la gloire? La charité, nous dit saint Paul, ne sera jamais détruite. 1 Corinthiens 13, 8. En principe, si l'imperfection d'une chose n'est pas essentielle à sa nature, il peut arriver qu'il passe de l'imperfection à la perfection, tout en restant dans la même espèce. Ainsi l'homme se perfectionne en grandissant, ainsi la blancheur devient plus éclatante. La charité, qui peut avoir pour objet ce qu'on possède et ce qu'on ne possède pas, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, n'implique de sa nature aucune imperfection. Elle n'est pas détruite au ciel par la perfection de la gloire, elle y subsiste numériquement la même, bien qu'elle ait gagné en intensité. Note. On aime Dieu d'autant mieux qu'on le connaît plus parfaitement. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.